Salut à tous, chers amis. Alors, comme promis, le retour des leçons Advanced Media. Aujourd'hui, en compagnie de Marion. Bonjour à tous. Salut Marion. Salut Amaury. Donc, de quoi on va parler aujourd'hui? De mon anniversaire. D'accord. C'est non, vrai, c'est mon anniversaire. Oui, c'est vrai, oui. Joyeux anniversaire, Amaury. Merci Marion. Alors, qu'est-ce que j'ai comme cadeau aujourd'hui pour mon anniversaire? Un robot. Je vais recevoir un robot. Une discussion sur les robots, en tout cas. D'accord. Et c'est vrai qu'on va le voir dans l'article, peut-être que dans 10 ans, tu pourrais m'offrir un robot. Peut-être. Mm-hmm. Si ça te fait plaisir. On va voir. On va d'abord parcourir un peu l'article. On va voir de quoi ça parle parce qu'on a vraiment un sujet qui nous rapproche du futur puisqu'on va voir ici que les progrès scientifiques concernant la robotique ont évolué énormément récemment. Et vont continuer à évoluer encore plus dans ces 10 prochaines années. Ouais. Donc, comme toutes les leçons Advanced Media, on va vous parler de cet article et du journal où nous l'avons trouvé. Alors ici, il s'agit du journal Le Courrier International. Qui est donc un hebdomadaire français qui sort tous les jeudis et qui reprend des articles de journaux du monde entier. Voilà, donc c'est ça sa particularité, c'est qu'on a tous ces articles traduits. Voilà, ce qui permet d'avoir plusieurs points de vue différents sur un même sujet. Et pas d'avoir seulement le point de vue des médias français. Alors, l'article d'aujourd'hui provient d'un journal britannique qui s'appelle le Sunday Telegraph, qui est en fait l'édition du dimanche du quotidien le Daily Telegraph. Donc voilà, cet article s'appelle « La culpabilité comme moteur ». Donc la culpabilité qui est le sentiment d'être coupable. Donc on va voir comment les sentiments peuvent être liés à la robotique. Ce que développe l'article, c'est qu'on dirait que les robots vont pouvoir être dotés de sentiments. Alors être doté, ça veut dire qu'ils vont être doués, c'est qu'on va pouvoir leur donner des sentiments. Un autre exemple pour expliquer le mot doté, messieurs dames, Marion est dotée d'une beauté tout à fait fascinante. Alors pourquoi on voudrait donner des émotions, des sentiments à ces robots? Donc on va voir dans cet article pourquoi on a popularisé l'idée de doter les robots de sentiments et dans quelle mesure le côté éthique va se mêler à la science. Alors oui, pourquoi c'est devenu un sujet de plus en plus commun de penser que c'est possible d'avoir des robots avec des sentiments et quel serait le but? Donc ce serait pour qu'ils puissent exécuter des tâches ménagères et des corvées de manière plus efficace. Donc des tâches ménagères et des corvées, c'est des mots qui sont synonymes? Oui, on peut le comprendre comme ça parce que corvée, c'est des choses qu'on n'a pas envie de faire. C'est un travail qu'on est obligé de faire et qu'on n'a pas envie de faire. D'accord, comme par exemple faire la vaisselle, repasser... Ouais, comme les tâches ménagères. D'accord. Donc qu'est-ce qui fait les corvées chez toi, Marion? C'est moi. Elle est parfaite. Alors il parle de drone ici dans l'article. Oui, c'est un mot qui n'est pas très utilisé. Oui. Mais qui veut dire une petite machine robotisée. Donc il y a sa place ici puisqu'on parle de robotique. Et donc on va essayer d'évoluer sur ces petites machines qui ne peuvent effectuer qu'une seule tâche... Faire des machines qui pourraient peut-être même comprendre ce qu'elle veut faire et s'acquitter de ses différentes corvées, de ses différentes tâches ménagères, presque avec plaisir ou avec des sentiments en tout cas. Mmh. Donc s'acquitter d'une corvée, c'est la faire tout simplement, c'est s'occuper de cette corvée. Dans l'article, ils vont même plus loin en disant que les robots seront capables plus tard d'apprécier les résultats et en fonction du résultat obtenu, s'ils sont satisfaits avec ce résultat ou pas satisfaits, ils peuvent changer le processus afin de mieux réaliser la prochaine fois leur tâche et tout ça grâce aux sentiments. C'est incroyable. Donc ils pourront, plus ou moins, ils auront terminé d'effectuer un travail. Ouais. Et dire, bon bah voilà, le travail est bien fait ou mal fait, comprendre qu'il est mal fait ou mal fait. Exactement, ouais. Bon, c'est ce que l'article dit. Ouais. Et après, en fonction de ça, dire bon bah ça va, on le refait si c'est pas bien ou la prochaine fois je vais le faire mieux. Voilà. Sans intervention de l'homme. Tout à fait. C'est ce que l'article dit. Ouais. C'est fou. Et donc on voit ici comme exemple, ils veulent nettoyer là une moquette. Donc une moquette c'est un tapis et ils continueront à traquer la saleté afin de refaire la même chose s'ils sont contents de l'avoir bien fait au départ. Voilà. Par contre, s'ils sont pas contents, ils redoubleront d'efforts pour le faire mieux la prochaine fois. C'est-à-dire ? Qu'ils feront deux fois plus d'efforts. Ok. Alors, mais est-ce que ces robots sont déjà créés ? Non, ils sont pas encore créés, ils sont en train d'être mis au point. C'est-à-dire qu'ils sont en train d'être perfectionnés. Ils sont en train d'être perfectionnés, mais grâce à quoi, Maury, peuvent-ils être perfectionnés ? Comment les chercheurs ont-ils réussi à décoder les sentiments humains ? Parce qu'ils voient en fait que les sentiments humains sont en fait une série de signaux électriques et chimiques qu'interprète notre cerveau pour produire un sentiment particulier. Donc c'est probablement en reproduisant chez le robot cette série de signaux que la machine pourra reproduire exactement nos sentiments que nous développons. Comme par exemple le sentiment de peur. De honte ou de plaisir. Ouais, de satisfaction. Ils n'expliquent pas exactement comment ça va être un peu trop compliqué. Ouais, je crois. Moi, je vois pas très bien comment ils vont faire ça. Je vois pas comment un robot peut assimiler, peut comprendre. Je pense que le robot ne comprendra pas, mais il interprétera ses signaux et réagira comme nous, on réagirait, nous, êtres humains, on réagirait si on recevait ces signaux. Je pense que c'est ça, l'intelligence artificielle. Donc ça pourrait changer énormément notre quotidien. Ouais. Puisque ces robots ont presque envie d'effectuer des tâches sans qu'ils soient vraiment programmés. Par exemple, quand tu dis qu'ils reproduisent des sentiments humains, on peut prendre l'exemple que les scientifiques se sont aperçus qu'en reproduisant la sensation de faim chez leurs robots, ceux-ci se rendent compte de la faiblesse de leur batterie et cherchent à s'alimenter en se rechargeant. En gros, en reproduisant, donc en donnant les mêmes signaux comme on avait dit, le robot se rend compte qu'il n'a plus de batterie et va les recharger. Mais c'est pas un sentiment. Ces données, on donne un nom de sentiment comme avoir faim ou avoir peur, mais c'est la traduction de je n'ai plus de batterie. Donc c'est vraiment une réaction. Oui. Ok. Et un exemple aussi qui est donné ici, pour dire que l'intérêt pour ces robots d'avoir ces réactions, c'est de dire que un être, eh bien, si on a un sujet, s'il est dépourvu d'émotions, il ne se fixe aucun objectif. Donc dépourvu, ça veut dire une personne qui n'en a pas, qui ne possède pas d'émotions. Et on a cette expression ici, se fixer un objectif. C'est se donner un but. Exactement, oui. À atteindre. Et donc grâce à ça, une fois qu'ils auront développé ces réactions, qui sont en fait, qu'on peut comparer à des émotions, cette émotion, cette réaction deviendra la récompense ou la punition qui inciteront le robot à atteindre son but. Ce qui veut dire qu'il les motiverait, les pousserait à atteindre leur but. Ouais. Mais donc, comme tu l'as dit dans l'introduction, il y a quand même peut-être un petit problème d'éthique par rapport à ça. Qu'est-ce que t'en penses ? Oui, je pense que c'est les humains qui veulent absolument donner des sentiments à un robot. Ouais. Soit par les fondateurs parce qu'ils sont passionnés de technologie, mais le problème sera plus pour les utilisateurs qui voudront absolument mettre des sentiments sur des réactions programmées par avance. Tout à fait, c'est vraiment l'utilisation qu'on va en faire, parce que c'est vrai que sur le papier c'est pas mal. Déjà c'est intéressant, c'est une prouesse technologique qui est formidable, mais après voilà, si on se retrouve un jour dépendant des robots ou affectivement parlant, parce que bon, si c'est que matériellement parlant, c'est pas très grave. On perdrait un peu trop le côté humain. Voilà. Enfin, moi, c'est ce que je pense. T'en penses quoi, toi, Maury ? J'ai un peu le même sentiment que toi, en fait. Je crois que il faut faire un peu attention et ne pas se plonger directement tête baissée et dire c'est magnifique. Il risque d'y avoir des effets pour les hommes, notamment sur le côté affectif, au niveau, puisqu'on parle ici des émotions, puisque finalement ces robots n'éprouveraient pas vraiment de réelles émotions, ce serait seulement des réactions, et qui finalement, pour nous, être en contact vraiment avec ces robots, ce serait un peu compliqué. Compliqué et perturbant. Par contre, je crois que ça va vraiment arriver. Moi, je pense aussi que ça va arriver, mais je sais pas si ça va durer. Tu crois que ça restera peut-être à l'état de gadget ? Ah bah, on l'a déjà vu en état de gadget avec les Tamagotchi, par exemple. Plus ou moins, enfin c'était comme un peu un robot pas très perfectionné, mais ouais. Tamagotchi. Les petits drones. Les petits drones, ouais. les petits robots là qui ont été inventés au Japon. Voilà. Qui il fallait donner à manger. Il fallait donner à manger, nourrir, sortir, jouer avec, sinon ils mouraient. Ouais. T'en as eu un ? Moi j'en ai pas eu parce que j'avais pas le droit, mais si j'avais pu, j'en aurais eu un, ouais. Ouais. Et j'avais des copines qui pleuraient parce que leur Tamagotchi était mort. Mais bon, on était enfants donc. Et c'est vrai que ça s'est passé. Après, finalement, maintenant, on en parle pas trop. Mais on voit aussi ici, ils disent qu'il y a quand même déjà... T'es surpris de voir qu'il y avait un chien robot qui existait déjà. Par Sony, c'est ça ? Ouais, voilà, Sony avait déjà fait un chien robot. Honda a réussi à faire un humanoïde. Qui s'est mimé des gestes humains. Oui, mais ça encore, mimer, c'est reproduire, donc c'est pas inventé. C'est vrai, mais bon, on y arrive, quoi. On y arrive, peut-être que ça prend beaucoup plus de temps que ce qu'on a... Ce qu'on avait prévu, ouais. Ouais, je pense qu'on y arrivera, mais... Je sais pas si c'est forcément une bonne idée. Bon, c'est mon point de vue, après... C'est souvent le cas, il faudrait essayer de faire la part des choses et essayer de voir les bons côtés. Comme on dit à la fin de l'article, ils disent que ça pourrait aider les infirmières dans leurs tâches journalières. Ouais. Et alléger leur charge de travail et donc faire qu'elles aient moins de travail à effectuer, que ce soit moins dur, moins pénible pour elles. Mais alors donc, là ce serait bien. Ouais, c'est un peu la même chose que nous, on a déjà dans notre quotidien avec les aspirateurs qui nous permettent de passer moins de temps quotidiennement à faire nos travaux ménagers. Donc ça, c'est très bien. Ça existe déjà. Mais c'est pas relié aux sentiments. C'est pas relié aux émotions. Et on n'accorde pas de... Tant que ça reste dans cette mesure, on n'accorde pas d'importance émotionnelle. Tant qu'on n'éprouve pas de sentiments pour le robot, c'est parfait. Donc toi, c'est vraiment simple. Ta crainte, c'est de voir qu'à un moment, on éprouve presque des sentiments pour des machines. Voilà, c'est ça. Ouais, je trouve ça un peu malsain. Sûrement, ouais. L'avenir nous le dira. En tout cas, c'est vraiment intéressant. Quand vous voyez, ça pose vraiment pas mal à réfléchir. C'est un débat éthique assez intéressant. Et le journaliste ici, Richard Gray, donc, termine son article en disant que c'est vrai que nous disposerons d'un nombre croissant de robots à la maison, donc nous en aurons de plus en plus, et qu'on aura peut-être même des distributeurs interactifs de médicaments, des gardiens et même des valets robotisés. Et qui peut-être bientôt, un jour, au lieu d'avoir des vraies personnes à FrenchPod, vous aurez deux robots ici. Ah, c'est vrai, Marion, la version robotisée de Marion. Bonjour. Comment ça va, Marion? Ça va, et toi, Amaury? Très bien. Je suis très contente de faire ce podcast. Donc voilà, en tout cas, c'est vraiment passionnant, ça fait penser, ça fait réfléchir. Donc j'espère que vous aussi, à la lecture de cet article, vous allez pouvoir approfondir le sujet. Et vous faire votre propre opinion. Que nous attendons sur FrenchPod, venez la partager, venez sur la page de discussion, on attend votre commentaire. Et attention, un vrai commentaire, faut pas que ce soit un robot qui vous a aidé, vous devez le faire vous-même. On se retrouve très prochainement pour une nouvelle leçon Advanced Media. Merci, au revoir. Salut.